En Corée du Sud, selon des informations, des formations civiles et sociales de toutes les catégories, notamment des partis de l'opposition, ont condamné Park Geun-hye qui a poussé son avocat pour refuser une enquête du parquet. Le Parti démocrate de Buru et le Parti de la population ont averti que si Park Geun-hye trahit à ses promesses faites dans ses excuses présentées à la population à deux reprises et refuse l'investigation du parquet, elle provoquera l'indignation véhémente de la population, alors que l'ancien délégué du Parti démocrate de Buru et l'ancien co-délégué du Parti de la population ont affirmé que Park Geun-hye s'est déjà disqualifié sur le plan politique et moral. Le 16 courant, le Conseil des familles 16 avril, la solidarité 16 avril et l'action extraordinaire de la population pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye ont accordé des conférences de presse pour revendiquer à Park Geun-hye de démissionner et se soumettre à une enquête de façon équitable. Par ailleurs, le journal sud-coréen Herald Economy et autres presses ont révélé que Park Geun-hye a ordonné à la Maison Bleue de faire disparaître des preuves relatives à l'outrage de Choi Soon-sil à la politique et elle a réprimé de façon impudente des presses indociles.